théâtre sur Fadjet avec Julia et Rodolphe. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Julia dans l'émission Coup de théâtre sur Fadjet, sur fadjet.net ou 94.2. Je suis la co-présentatrice de cette émission accompagnée de Rodolphe. Salut Rodolphe. Salut Julia, ça va? Très bien, et toi? Très bien. Et dans Coup de théâtre, tous les mois, nous recevons un comédien, une comédienne de la scène lorraine, voire internationale. Ouais, internationale. Et aujourd'hui, nous recevons... Alexandre. Oh, quel accueil. On n'avait pas prévu sur si Alex. On dit le prénom en entier, on recommence. Alexandre. Salut Alex. Salut, c'est rare qu'on utilise mon prénom en entier. Ça me fait plaisir. Ouais, tu t'en souvenais? Oui, c'était ton prénom. Et, Alex, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Eh bien, salut à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Alex, je suis alsacien, je suis dans l'Alsace, j'y tiens, hein, c'est important. C'est bien celui-ci. J'ai grandi là-bas et j'ai découvert l'improvisation théâtrale quand j'ai fait mes études à Nancy. C'était il y a à peu près une vingtaine d'années. Et j'ai adoré ça tout de suite et je suis improvisateur, comédien improvisateur, dans la compagnie du Bordel à Metz. On est fair play. Ouais. À part ça, ben voilà, J'aime regarder les arbres, j'aime aussi regarder les films de James Bond et je pense que ça me caractérise assez bien. Trop bien. Eh ben, tu nous fais une transition parfaite pour ton portrait. Coup de théâtre sur Fadjet, le portrait de l'invité. Je vais te poser des questions en mode portrait chinois. Si tu étais, que serais-tu? Bien. Et tu vas me répondre. Tu peux faire des réponses plus ou moins concises. C'est toi qui décides. C'est ton émission, Alex. D'accord. Si tu étais une catégorie d'impro. Et toi? Ça va. Ok. Moi, je serais quelque chose où on parle pas parce que je parle trop. Ok. Mais d'accord. Toi, tu serais quoi? Je serais probablement une catégorie où on parle beaucoup. Je dirais une chantée. Oh. Tu aimes chanter? Non, mais j'aime la prise de risque. Tu chantes bien? Je pense que je chante juste, mais... Tu sais ce que j'aimerais que tu fasses là maintenant? Oui, naturellement. Et tu vas le faire? Mais c'est mon émission. Oui, c'est vrai, je te l'ai dit, j'aurais jamais dû dire ça. Si tu étais un monument? Un monument, je choisirais la Statue de la Liberté. Oh. Parce qu'elle exprime beaucoup de choses. Elle exprime l'accueil, l'espoir, le fait qu'on peut réussir quand on a envie de réussir. Et la liberté? Et je suis naturellement la liberté. Je suis scotché là par cette réponse. Si tu étais un méchant, alors plutôt de fiction, mais tu peux être aussi un méchant. Alors, sans hésiter, je choisirais Ernst Stavro Blofeld dans le méchant dans James Bond, le méchant récurrent. Mm-hmm. Donc, voilà. Celui qui a le chat là. Celui qui possède caresse le chat et qui caresse le chat. Est-ce que le chat est méchant? Dans certains films, oui, et dans d'autres, non. Mais il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Et... Ah oui. Ah, ils arrivent à rendre le chat méchant. Enfin, ouais. Il a des plans et tout. En tout cas, oui, dans certains dessins animés, il a des plans, je pense. Ouais, okay. Mais dans James Bond, malheureusement, il n'a qu'un rôle de chat. Ok. Si tu étais un aliment? Eh ben, une carotte, mais je sais absolument pas pourquoi, parce que c'est le premier aliment qui me vient à l'esprit. Ok. parce que ça rend aimable, mais tu l'es déjà. Ah, bah, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. On va passer sur ce moment gênant. Si tu étais un spectacle auquel tu as participé ou que tu as vu? Je pense au spectacle que j'ai intitulé Seul. C'est un spectacle que j'ai créé. Et c'est l'histoire d'un lanceur d'alerte qui découvre que dans son entreprise, il y a quelque chose de pas bien qui se passe et qui va tenter d'alerter les gens autour de lui. Et il se heurte parfois à l'indifférence, parfois à une forme de rébellion de certaines personnes. Et il va tomber dans une sorte de paranoïa. Je sais quelque chose, mais on m'observe aussi. Et la société joue un peu contre lui. Et lui, il essaie de vivre avec cette contradiction. Je travaille pour une entreprise qui fait quelque chose de mal, mais je ne peux pas vraiment le révéler. Si je le révèle, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà. C'est un spectacle d'impro? C'est un spectacle d'impro. C'est un salarié de chez Total? Un salarié de chez Total. Il faut citer deux autres marques où il y a des alertes à Shell. William Sorin. Et marque de carottes, du coup, bon duel. Bon duel, parfait. Ok, si tu étais une qualité que tu n'as pas? Le tact. Ah, tu n'es pas. Tactile, le mec, il ne comprend rien. tu n'as pas de tact. Ouais, je pense que parfois je dis des choses de manière assez franche et ça peut parfois blesser. Okay. Mais je l'assume un petit peu. Moi, j'ai déjà constaté, mais pas avec moi. Moi, j'ai pas fait l'expérience de ce côté-là. Mais on verra à la fin de l'émission. Moi, je t'ai déjà entendu, je te le dis en antenne. Si tu étais un animal. Je pense que je serais un félin, genre un tigre ou un serpent, pour faire plaisir à mon fils qui adore les tigres et surtout les serpents. Rien à voir du coup. en termes d'énergie. Mais je crois qu'en ce moment, c'est les serpents. Donc je vais rester. Ah, il y a des phases. Tu es un serpent. Il y a des phases, ouais, il y a une phase serpent en ce moment. Donc, Si tu étais un gros mot ou une insulte. Je serais pute. Ah, on l'a pas souvent su. Mais, ah ouais, on a pas, on a beaucoup des trucs putain, merde. Putain, ouais, mais pute, c'est, mais, ouais, pute, mais que tu dis tout seul parce qu'il y a un truc qui s'énerve. Ah oh, pute. Ou alors tu le dis à quelqu'un. Non, parce qu'on se considère au bordel comme des petites putes. Voilà. D'accord. Ah, bah, oui, parce que vous êtes au bordel, c'est normal. C'est pour ça que en même temps, c'est, et c'est pas parce qu'on est au bordel, c'est logique. Parce qu'on est des putes qu'on a donné ce nom-là à la troupe. Ouais. Voilà. D'accord. Parce qu'on se fait beaucoup de coups de Trafalgar sur scène. Ah oui. En dehors, on aime bien aussi D'ailleurs, il y a des gens qui sont hospitalisés depuis des années. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle. On les salue d'ailleurs. Si tu étais un moment de la vie, de la journée, de l'histoire. Je pense que je serai la période au primaire de l'enfance, parce que c'est une période où c'est super, parce que tu découvres plein de choses, t'apprends énormément, tu découvres tes émotions, t'es encore assez t'es foufou aussi, hein, innocent dans la vie, ouais. Et t'es foufou, et puis tu t'es jamais crevé, t'es tout le temps en pleine énergie. Ce serait on t'oblige chouette à aller dormir quand même. Ouais, on t'oblige, vraiment, c'est le mot. Et donc, ouais, je pense que avoir 10 ans, ça doit être formidable. Rester à l'âge de 10 ans, ne pas savoir tout ce qui se trame autour de nous. On parlait de bon duel, par exemple. Alors on en parlera après. Si tu étais un gentil. Un gentil. Tu as été un méchant, mais si tu étais un gentil. Il n'en trouve pas. Ouais, j'en trouve pas. Je pense que c'est bien plus intéressant d'être un peu méchant. Mais tu m'étonnes. Eh bien, on va passer. Alors, si tu étais un mime ou une manipulation que tu aimes bien faire quand tu joues, quand tu es sur scène. Je choisirais la cigarette, parce que je trouve que ça donne beaucoup de contenance. Et moi, ça me rappelle ce que j'aime au cinéma, ces vieux films où t'as Clint Eastwood, où t'as Carrie Cooper qui fume, et Dustin Hoffman qui fume comme ça, et ça leur donne beaucoup de caractère, cette fumée qui... On voit plus assez de clopes au cinéma. Mais c'est vrai que du coup ça a disparu un peu à cause des lois et tout ça, mais en fait c'est vrai que ça donne beaucoup de contenance, c'est vrai. Est-ce que c'est possible de le rater, ce mime? Bien sûr. Ouais, alors, mais c'est possible de le rater, mais il faut s'entraîner à fumer au quotidien, d'ailleurs. Mais surtout, tu peux en faire des caisses d'une manière ou d'une autre. En fumant. Tu peux jouer plein d'émotions différentes en fumant. Oui, en vrai, c'est très intéressant. Ouais, je suis bien d'accord, parce que tu utilises ta main, tu l'utilises. Tu as quelque chose dans la main, donc un peu comme si tu as un mug, tu te comportes différemment avec ta main et ton bras. Mais je pense qu'il ne faut pas trop le surjouer, sinon ça devient l'élément central et ton objectif, c'est pas de focaliser le public sur le tabac, mais plutôt ton attitude par rapport à un contexte. Et enfin, pour terminer, si tu étais un comédien, improvisateur ou pas, connu ou non, enfin, quelqu'un qui t'a marqué. Ah, il y a quelques années, j'aurais dit Depardieu. voilà. On n'a plus le droit. Fin d'histoire. Allez, salut. Non, je dirais Dustin Hoffman, parce que je trouve que c'est un formidable comédien. Ouais. Jusqu'à ce qu'on découvre des trucs. Peut-être qu'on en a découvert. Ouais, je crois pas. Non, mais le jeu d'acteur de Depardieu, en dehors de ce qu'il a fait, est incroyable. Pour moi, il est incroyable parce qu'il est très divers. Il arrive à faire beaucoup de choses avec son corps qui est quand même assez massif. Il arrive à jouer de manière assez fine. Et Dustin Hoffman, c'est presque l'inverse. Il est peut-être petit. Enfin, il est bien plus petit, objectivement. Et il arrive à avoir un air de géant, quoi, dans certains films. Ouais. Wow, c'est... Ton préféré de lui? Marathon Man. Ok. Marathon Man, je pense que c'est lui. Ouais. Trop bien. Ou Midnight Cowboy aussi. T'as une grosse culture ciné, j'ai l'impression. Non. Mais merci Alex pour ce portrait. On continue de t'apprendre un petit peu plus avec ton premier choix musical et tu nous expliques ensuite après pourquoi tu as choisi ce titre. Volontiers. Got me feeling. Théâtre sur Fadjet. Alors vous venez d'écouter les Kills avec New York, qui est extrait de leur dernier album, qui est sorti l'année dernière et qui pour moi est un chouette groupe. C'est Charlotte, ma compagne, qui m'a fait découvrir ce groupe, c'est son groupe préféré. Mmh. Et moi je suis complètement fan de rock et je trouve que c'est un des groupes qui fait les meilleures choses actuellement. J'aime beaucoup le rythme, la voix, le fait que ce soit un duo qui se réponde. Voilà, j'aime beaucoup et j'ai eu la chance de les voir en concert il n'y a pas longtemps et sur scène, c'était canon. Trop bien. Très cool, génial. Merci beaucoup. Le début, on ne s'attend pas du tout à ce que ça pète d'un coup. Ouais. Très cool. C'est très très rythmé comme musique. Très chouette. Merci pour cette découverte. Avec plaisir. Souvenir. Voilà. Souvenir, il n'y a pas... Il n'y a pas plus. Okay. L'idée, c'est que tu nous racontes un très bon souvenir sur scène. Oui. Où tu t'es dit, je suis au bon endroit, au bon moment, avec les gens que tu apprécies. Vraiment un très bon souvenir. Yes. Ouais, carrément. Alors, moi, je pense directement à ma troupe, Le Bordel, que j'ai déjà cité tout à l'heure. On a fait un spectacle en février et je crois que c'est un des spectacles où j'ai le plus décroché. Je suis pas très décroche. Décrocher, c'est rigoler de ses propres blagues et surtout des blagues d'autrui. Et on était dans une petite salle et je crois que tout a super bien marché pour ce spectacle. C'était très drôle et je crois que le lâcher prise était tel que j'ai rigolé aux personnages et aux situations improvisées par mes amis du bordel. Et ça fait pas trop private joke quand les comédiens sur scène rigolent? Ouais, si, ça fait un peu private, mais ça fait marrer vraiment tout le public. Et okay. Là, il y avait 70 personnes dans le caveau qui rigolaient de concert. Et c'était vraiment un bon moment. Et là, tu te dis, tu repars et t'es gonflé un peu pour la semaine. Tu te dis, ouais, vraiment cool de faire de l'impro. Vous jouez dans plusieurs lieux à Metz? Ouais, à Metz, on joue dans plusieurs lieux. On a un bar dans lequel on joue. On jouait l'année dernière, surtout dans un caveau au Jeanne. Okay. On joue aussi à la MJC 4 Bornes, qui est le notre port d'attache. Uh-huh. On joue parfois dans d'autres salles, là on nous invite. Ah, très bien. Et à contrario, ton pire moment sur scène, celui où tu aurais aimé ne pas être là? Oui. Et ben, je me souviens d'un match que j'avais fait en Belgique lors d'un festival avec une troupe parisienne, puisque j'ai habité Paris un moment et j'étais dans une troupe parisienne. Et on n'avait vraiment pas été bon, mais c'est surtout l'équipe belge qui avait été très bonne. Ils nous ont rétamés. Genre, ils nous ont battus, genre 12-0, un truc comme ça. Ah oui, carrément. Le bordel se fait rétamer, non, ça n'existe pas comme phrase. Une troupe de Paris, non, ça n'existe pas, cette phrase. Ouais. Mais la troupe de Paris. Ça viendra, t'inquiète. Hein, on arrive. Enfin bon, ouais, vas-y. Quand? Il alors, attend. Du coup. C'est l'année prochaine. Non, et donc avec cette troupe parisienne, on était là. Bon, et c'était le moment gênant de la remise des étoiles, parce qu'il y avait des étoiles. Et donc les trois étoiles ont été remises. Alors la construction sera mise à machin de l'équipe belge. Ouais, bravo. Et l'étoile du personnage sera remise à machin de l'équipe belge. Ouais, et généralement, il y a toujours une étoile pour l'équipe perdante. Mais là, la nana qui était dans le public, elle dit, bon, alors pour l'étoile de la performance, enfin l'étoile filante, j'aimerais la remettre à l'équipe belge tout entière. Double, triple claque. Et triple claque, et nous on est vraiment déconfis sur scène, on se dit ouais, ok, c'était pas la peine de le ressouligner encore. Mais est-ce que le fait qu'ils aient été. Est-ce que ça a fait un beau spectacle malgré tout? Cette différence. Je m'en rappelle plus, franchement, okay. Je m'en rappelle plus. Je pense ton cerveau a bien bossé alors. Ouais, le cerveau a bien bossé, mais je pense que oui, parce qu'ils étaient quand même bons les autres et. Ouais, on sait. Qu'est-ce qui vous a manqué? Le talent. Des heures de sommeil, je pense, déjà. Ah. Quelques heures de sommeil et peut-être un peu plus de répondants à ce moment-là. Ouais. Okay. Ouais, je pense que les Belges, c'était une équipe qui était très punch. Ils vivent ensemble. Ils font tout ensemble. Et nous, ouais, peut-être on manquait de cohésion et d'énergie et de répondants. Ça fait beaucoup de choses, hein, d'ailleurs. On manquait un peu de tout. Voilà. Ok. Bah, manquait de présence, on manquait de tout. Très bien. Eh bien, c'est le moment de nous parler d'impro. 3, 2, 1, impro! Cette petite chronique, ce petit temps passé avec toi, te permet de faire de l'autopromo sur tes spectacles, éventuellement des événements qui arriveraient, sur d'autres événements plus tard dans l'année, des choses comme ça, nous parler vraiment de tout ce qui te plaît dans l'impro et des événements à venir. Eh bien, je vais commencer dans 10 jours, le 15 novembre. 15 et 16 novembre se déroule le festival du Choupisson à Metz. Oui. Et ce festival était l'occasion pour nous, donc la troupe du bordel, d'inviter des gens de tout le Grand Est à venir jouer avec nous sur des concepts souvent inédits. Donc les gens viennent soit avec leurs concepts, soit on leur propose des concepts qu'on a bossé et on mélange. On a des invités de Strasbourg, de Nancy, de Luxembourg et de Metz. Donc on invite les gens avec qui on a envie de jouer. Il y a souvent un roulement, c'est pas forcément les mêmes qu'on invite chaque année. Et à chaque fois, j'insiste là-dessus, c'est des concepts inédits ou alors rarement joués. Ouais, donc chaque année, c'est que des nouvelles choses. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et souvent, on invite des improvisateurs, improvisatrices expérimentés pour justement qu'on limite le risque de planter un concept qui n'aura jamais été... Bah oui, jouer. Et c'est où exactement alors ? Alors c'était la MJC 4 Bornes, c'est à Metz, c'est à la frontière avec Voipy pour ceux qui connaissent. C'est une MJC de quartier avec une belle salle. C'est dans le quartier de Bornine, c'est ça ? Ou non, pas du tout. D'accord, 4 Bornes, c'est parce que c'est 4 Bornes en fait, ouais. c'est stupide. Ouais, mais c'est pas grave, si tu connais pas bien Metz. C'est... Non. Moi je connaissais pas non plus avant d'aller, c'est vraiment la frontière avec Voipy. D'accord. Et c'est une belle salle, une jauge à peu près à 60-70 personnes. Trop bien. Et c'est, comme je disais avant, c'est notre port d'attache, donc on fait un spectacle tous les deux mois là-bas. Et habitués. On a nos habitués, ouais. Et puis voilà, le succès est au rendez-vous donc, pour l'instant. Et donc c'est un festival qui dure sur 2 jours ? C'est un festival qui aura lieu le vendredi et le samedi. Vendredi, 2 concepts, samedi, 3 concepts. L'entrée est payante ? L'entrée est payante, mais c'est pas très cher, ça doit être du 6 euros, on n'a pas encore exactement fixé les tarifs. 6 euros pour la soirée ? 6 euros pour la soirée, c'est ce qu'on fait payer habituellement pour un spectacle d'impro. Peut-être ça a un petit peu augmenté, ou peut-être comme c'est, on va faire un package, mais j'ai pas exactement. Je m'occupe pas de cette partie, donc je veux pas dire de bêtises. Et on peut, si on veut aller voir un petit peu la programmation, on peut aller sur les réseaux. Oui, bien sûr, sur Facebook, vous pourrez trouver la page du Choupisson, ou même en tapant le bordel Impromesse. On en fait la promotion, évidemment, parce que c'est un événement qui nous fédère pendant. Et vous, le bordel, vous portez un spectacle sur ce festival, ou c'est vraiment que des gens extérieurs? Alors, justement, en fait, chaque membre du bordel apporte un concept. Ah, enfin, wow. Pas tous, mais ceux qui veulent. Moi, par exemple, j'apporte un concept qui s'appelle... qui est inspiré de Koh-Lanta. Okay. Comme la thématique, c'est le Mexique cette année, pour le Choupisson. Et ben, le Mexique sera... Ouais, le Mexique. Okay. C'est plutôt une couleur mexicaine. Okay. Donc, j'apporte un concept où, inspiré de Koh-Lanta, où on va plutôt se focaliser sur les relations entre les participants et les participantes, okay, plutôt que sur les épreuves. Souvent, d'accord, on voit des concepts impro-lanta où il y a mm-hmm. des gens qui sont amenés à improviser en rimé en portant des poids. Là, ce sera plutôt sur il m'a trahi, elle m'a trahi, je peux pas la voir, etc. Et on va essayer de faire monter ces tensions entre les protagonistes. Et il y aura beaucoup de non-dits. On va aussi jouer pas mal sur l'ironie dramatique. En tout cas, voilà, j'espère que... TF1, c'est bien le faire. Hein. Ouais, ça. De teaser comme ça sur l'émission suivante, sur les complots qu'il y a entre eux. Oui, je te fais une promesse, et puis le lendemain, je te la mets dans le dos. Oui, c'est exactement ça. Mais même dans la façon de scénariser avant les votes et tout, moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai, quand ils teasent à la fin, quand il y a un peu la bande-annonce de l'émission de la semaine d'après, souvent Denis Brogniart, il dit « Et la semaine prochaine, rien ne va plus à Koh-Lanta. » Tu te dis « ça va être génial !» En fait, souvent, t'es quand même presque un peu déçu, parce qu'en fait, c'est pas tant que ça que rien ne va plus. Ouais, comme les magazines People. Où, Didier va-t-il tenir sa promesse Son incroyable cancer. Drucker, c'est son chien. C'est son signe astrologique. Mais c'est ça, oui, la mort l'a frappé. Michel Drucker, la mort l'a frappé, c'est sa souris qui est morte. Incroyable. Nous allons écouter ton deuxième choix musical. Volontiers. Après ce petit en impro. Et tu nous l'expliques ensuite. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. And spending most of their lives living in pastime paradise. Been wasting most of their time glorifying days long gone behind. remembrance of ignorant soul is praised. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world, and spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, gracefulation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future sur Fadjet. Et vous venez d'écouter Stevie Wonder dans Pastime Paradise, un titre de 1976. J'ai choisi Stevie Wonder parce que pour moi c'est un artiste complet. Il est multi-instrumentiste, compositeur, interprète, et c'est quelqu'un d'engagé sur le plan politique, et je pense que c'est typiquement le genre de gars qui a fait bouger les choses en Amérique. Et cette chanson, elle me touche particulièrement parce que je connaissais peut-être comme vous la reprise de Coolio des années 90. Et je trouve beaucoup que c'est plus énervé. Beaucoup plus énervé et qui a changé pour être Gangster Paradise. Yes. Là, c'est Pastime Paradise et donc il fait un petit... Il fait une critique du temps passé, mais quelque part la chanson termine avec une note d'espoir sur le fait qu'on ferait mieux de regarder devant nous pour voir l'avenir. Ça, c'est un titre original. Ça, c'est un titre original. Donc, Coolio a repris l'instru. Ouais, il a samplé l'instru et tout, ouais. Ok. Ouais, trop bien. Ouais, je trouve que la reprise est bonne. Ça fait partie des bonnes reprises, des bonnes surprises. Mais moi, j'étais persuadé que Coolio, c'était la musique originale. Ouais, il y a tellement de trucs comme ça, tu te dis. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été inventées dans les années 50, 60, 70. Et maintenant, on écoute des trucs qui ont été faits dans les années 90. Ouais. Très bien. Le temps passe. C'est ça, c'est le thème. En tout cas, voilà, c'est une très très chouette chanson, je trouve. Eh bien, merci beaucoup. J'ai failli mourir. De honte. Oh. Ah, t'as eu les sueurs froides. Petite sueur froide. Ouais, il y a les gouttes qui perlent sur son front. Alex, on aimerait que tu nous racontes un des pires moments de ta vie, enfin le pire moment de ta vie, celui où tu as le plus honte, où tu aurais voulu vraiment disparaître. Alors, pas forcément quand tu t'es pris 12-0 en Belgique, ça peut être quelque chose hors scène, bien évidemment, mais quelque chose qui est racontable à l'antenne, sachant qu'on a très peu de limites quand même. Enfin, sauf si ça peut être en dehors de la scène, partie du cucut clan, comme ça, bon, c'est moins cool. Ok, il y a plein de moments où j'ai eu honte dans ma vie, mais c'est vrai qu'il y a un moment où franchement c'était vraiment un peu limite. J'étais à la foire de Mulhouse avec mon père et mon ami Jean-Maxime. C'est un vrai prénom. JM. Moi, ce sont mes initiales. Bah oui, c'est vrai. Bravo à toi. Et d'accord, on était à cette foire et on allait de manège en manège et j'avais vraiment très envie de pisser. Et j'avais genre 12 ans, quoi. Donc j'étais déjà presque un adulte, quoi. Donc j'avais vraiment envie de pisser et je trouvais pas. Et puis là, mon père il dit, si vous voulez, vous pouvez rentrer dans le palais du rire, là. Vous savez, c'est ces trucs avec les escaliers, j'ai les peur. Toboggans et machin comme ça. C'est drôle. Ouais, c'est super drôle le palais du rire. Ouais, grave. Donc tu vas dedans, tu t'éclates et tout. Puis moi, j'avais vraiment envie de pisser, donc je le fais hyper vite le palais du rire. Mais tu l'as exprimé à ton père que tu avais envie de pisser ou je pas Je pense pas. Non, je pense pas. J'étais tellement dans l'euphorie de la foire que peut-être j'avais même pas vraiment réalisé que c'était imminent. Quoi. Tu le fais vite, tu profites même pas. Eh ben non, j'y vais à fond. Il y a des gars qui sont là pour te essayer de te faire peur et tout. Mais moi, je file et il y a le toboggan final. Vous savez, tu es au troisième étage et puis tu descends en tourbillon. Ouais. Et tu et là voilà l'accident quoi. Le fait de descendre, ça t'a peut-être tout lâché. De descendre, de tout lâcher. Et là, je me suis pissé dessus à proprement parler. Pendant la descente. Pendant la descente. Mais du coup, ça. Ça a dû ruisseler. Je sais pas trop. Mais c'est parti, pour ça, c'est très honteux. Et il y avait plein d'enfants forcément. Donc je suis arrivé en bas, là où mon père nous attendait à la sortie du toboggan, et j'étais tout mouillé. Mais vraiment, ça se voyait quoi. Ouais, ça se voyait grave. Et je dis à mon père, c'est incroyable, il y avait un tuyau dans le toboggan, ils nous ont arrosé, c'est dégueulasse et tout. Et donc j'ai rejeté la faute sur le manège. Et ton père allait casser la gueule. Non. T'improvisais déjà. Et ben peut-être, ouais. Et d'ailleurs Jean-Maxime juste après dans le toboggan, c'est bizarre, il y a un peu d'eau et tout. Ouais, t'as senti le tuyau, hein. T'as senti le tuyau dans le toboggan. Tu l'as menacé. Ouais, dis-le, menacé. T'as frappé. Et donc en gros, je pense que mon père, évidemment, il a vu. Il a capté. Vu l'endroit de la flaque, vu l'odeur, je suppose. Il a dû savoir que je m'étais pissé dessus, mais. Comme un prince, il n'a rien dit, il a dit c'est vraiment des salauds d'avoir arrosé comme ça. Mon père n'a pas du tout cette voix, mais bon, pourquoi une différence. Mais il avait une classe. Alors, la voix de Mickey. Donc, on a fait comme si de rien n'était. On a fait comme si de rien n'était. Et vous êtes resté encore des heures dans cette fête ou alors c'était voilà, sur on est resté. D'accord, juste. Et tu en as reparlé avec lui un jour Non, mais j'en ai reparlé aujourd'hui à ce micro. Et du coup. Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il écoute cette émission. Mais, sauf si tu lui dis, je parle de toi. Je te révèle la vérité sur ce. Mais t'as pas envie là de au prochain repas de famille de dire je voudrais avouer un truc. Non. C'est trop gênant. Non, autant le dire à la radio alors. Est-ce que tu l'as raconté à ton fils? Je l'ai raconté à mon fils. Il a quel âge là? Ma fille 5 et 8 ans pour les deux. Mon fils a 8 ans. Okay. Donc il est bientôt à l'âge d'aller à la fête foraine. Mais il m'en a fait des belles aussi en matière de pipi. Oh. Ça fera l'objet d'une autre émission de 4 heures. Les enfants sur la thématique. Les enfants de tout le monde, je pense. Et c'est rigolo parce que ça fait un peu plus d'un an qu'on fait cette émission et les 3-4 premières les 3-4 premiers invités, c'était que des garçons, je crois. Ça a été que des histoires de caca, leur plus grande honte. Ah, oui. Alors, à des âges différents, il y avait vraiment un peu de tout. D'accord. Parce que tu as à la limite l'excuse de l'âge, même si 12 ans, on commence à être ado, c'est pas ouf. Et puis après, ça s'est un peu tari, ça, si je puis dire. Et là, merci de remettre au goût du jour les besoins vitaux. Ouais. Ça fait plaisir. Des êtres humains. On a toujours besoin de ça. On va continuer dans les moments un petit peu gênants. Oui. Donc c'est notre nouvelle chronique de cette année 2024-2025. Nous n'avons pas de jingle, mais nous le faisons à la bouche. Donc vous pouvez faire un espèce de beatbox un peu dégueu et je lance le titre. Quel est le titre? Commencez un petit truc. Ouais, parfait. Est-ce que je suis enfant? Est-ce que je suis bourré? Est-ce que je suis enfant? Est-ce que je suis bourré? Enfant, bourré, bourré. Enfant, bourré. J'ai un petit truc comme ça. Voilà. C'est magnifique. Alors je voulais juste dire avant qu'on attaque, on a Antonin avec nous dans le studio qui est en stage. Donc bonjour Antonin, qui est en stage à Fadjet et qui tu as l'air dépité par ce jingle tu es dépité par l'histoire juste avant en fait. Impressionné. Ah merci. Antonin. T'es trop bon. Jamais j'aurais pensé que quelqu'un serait impressionné de ce que j'ai fait dans ce toboggan. Merci. Merci Antonin. Tu vois que ça vaut le coup de le raconter. Ça vaut le coup de le raconter. Non, donc tu l'as compris, tu avais des petits devoirs, c'était nous raconter une anecdote, ouais. Sans trop de précision pour pas cramer la vérité. Ouais. Et ensuite, nous essayons de deviner si tu étais un enfant à ce moment-là ou si tu étais simplement alcoolisé. D'accord. Si tu nous racontes que c'était dans le palais du rire et que t'as fait pipi, donc on sait déjà. Ah, mais ouais. Ok, alors c'est très simple. J'ai joué à Tarzan avec une branche d'arbre et je suis tombé dans une mare en jouant à Tarzan, comme ça. Bien joué, c'est une très bonne idée. Très bien raconté, c'est dur de savoir. Alors moi, je dirais enfant. Parce que je pense qu'Alex, c'est pas quelqu'un qui boit beaucoup. Et qui fait des conneries. Ah. Moi, je dirais enfant. Ok, bah, je vais prendre alcoolisé, puisque... Puisque oui, t'as pas le choix. Parce que... Enfin, vraiment, les deux sont. C'est un très bon choix d'anecdote. Je me dis que, bah, je sais pas, vous marchiez à ce moment-là près de. Il y avait des arbres, il y avait de l'eau, il y avait plus, je sais pas quoi. Et tu. Quand on est alcoolisé, on est en surestime de ses capacités physiques. On pense qu'on a et des muscles. Dit, on pense que cette liane va tenir. Et c'est surtout ça. Oui, qu'on va sauter par-dessus la mare, bah, telle une épreuve de Koh-Lanta. Bien sûr, ouais. Donc je me dis, bah voilà, tu vois une branche un peu. Comme ça, où impressionner tu les copains. Je vais courir, je vais sauter, je vais la traverser. Exactement. Donc pour moi, t'étais un adulte alcoolisé. Et toi, Antonin, qu'en penses-tu? Moi, je préfère croire que c'était adulte aussi. Ah, tu, adulte alcoolisé, tu préfères croire? Ouais, ah oui, parce que c'est le fait qu'un enfant tombe, c'est ça qui te. Oui, ce qui sera, te ah, oui. Ce sera un peu décevant. Alors c'est vrai. Pas fait mal, j'espère. Ah, ouais. Pas de famille. Alors, je me suis pas fait mal, mais je me suis bien fait gronder par la maîtresse parce que c'était en sortie scolaire et j'étais vraiment dégueulasse. Et j'ai dû rentrer dans le car. En sortie scolaire. Ouais, j'ai dû rentrer dans le car. Couvert de saleté, de boue, de tout ça. T'étais bourré en sortie. Non, ah non, oui, j'ai rien compris. D'accord, donc tu étais enfant. Ah, j'ai gagné. Bravo. Faudrait qu'on tienne un tableau d'histoire. Voici un panier garni pour toi. Oh, merci. Oh, très joli. Ah. Et des tu choses es bizarres, invité pour une coloscopie. Voilà, c'est le cadeau du jeu. Celui qui gagne, il a une coloscopie offerte. J'adore ça. Merci, gentil. Très bien. Avant de conclure cette émission, nous écoutons ton troisième et dernier choix musical. C'est ça. On écoute ça. Théâtre sur Fadjet. Oh yeah, vous venez d'écouter Alice Cooper sur l'album Welcome to My Nightmare. Alice Cooper, c'est un artiste que j'adore. C'est vraiment un artiste pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est un gars qui a traversé beaucoup d'épreuves. Au début, il avait un groupe. Puis il a continué en solo. Ouais, je m'en fous de vous. Je peux continuer solo, même si je suis bourré. Et il a sorti plein d'albums. Et je suis encore en train de découvrir tellement il en a sorti plein. Genre presque un par an, quoi. Depuis 1968-69. Et j'ai choisi cette chanson parce qu'elle est assez peu connue. Et il y a très peu de chances qu'elle passe à la radio. Du moins en France. C'est l'histoire d'un gars qui est un peu moyennement amoureux d'une nana. Enfin, qui est complètement amoureux d'une nana qui est froide comme un glaçon. Ils font l'amour à la lumière de réfrigérateur, par exemple. Oh, wow. tout un c'est très second degré. Alice Cooper. Ouais. Et sur scène, il est passé à Nancy il y a pas longtemps. Je l'ai vu sur scène et dans cette chanson, il l'a joué sur scène et en fait, il trimballe une sorte de poupée gonflable à qui il fait tout un tas de trucs. Et la scénographie est dingue dans ce concert. C'est vraiment un showman incroyable et tous les concerts. Enfin, j'ai failli aller le voir une deuxième fois en deux mois tellement je suis complètement fan de ce gars. Et il a quel âge actuellement? Ah bah là, il a 76, 77 ans et tout. Ah ouais. Oui, parce que je crois qu'il se lance au début des années 70, ouais, chose comme fin 69. Donc il marche mieux qu'avec son groupe. Là, le groupe l'a largué, il a continué sa carrière solo, il a eu encore plus de succès après. Son rock a beaucoup évolué. Moi, je suis un grand fan de rock, c'est ce qu'on appelle du hard rock, du glam rock au début. Et aujourd'hui, il est considéré comme un des pères de toute cette génération de hard rockers. C'est un vrai showman. Par exemple, il a un titre qui s'appelle Constrictor. Il vient avec un boa sur scène autour de son cou. Wow. Il se fait décapiter sur scène pour de faux. Enfin, c'est vraiment tout. Ah oui, parce que sinon, ça serait rapide. Show, ouais. Si c'était pour de vrai, il le ferait qu'une fois. Oui, c'est clair. Il a tenté un truc. Ah. Là, c'est un artiste magnifique que je vous invite à découvrir. Il a un panel de musique qui est assez varié aussi. Mais toujours très guitare, toujours très rock. Merci. Trois beaux titres. Ouais, merci beaucoup. Merci Alex. Avec plaisir. Réseaux sociaux. Quel est, c'est la psychanalyse du jour, quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? Est-ce que tu y passes beaucoup de temps? Est-ce que c'est un outil de communication, un outil professionnel? Est-ce que c'est un divertissement? Alors, et sur on peut te retrouver? Si on veut te suivre. C'est vrai qu'en fait, moi je crois que j'ai que Facebook, parce que j'ai un peu plus de 30 vieux. Ans. Ouais, ouais. J'ai pas Insta. Et LinkedIn, j'y vais une fois tous les 6 mois. Je trouve ça horrible. Et Facebook me sert beaucoup à regarder des vidéos de foot. Ça, c'est bien ça. Ok. Des buts de légende. Non, ouais. Puis aussi. Moi aussi, Mais parce que. Puis t'en as de plus en plus. Parce que plus t'en regardes, tu scrolles. Ah, oui, c'est ça. Puis plus personne ne poste plus rien. Donc bon, voilà. Ouais. Puis non, mais ça m'aide beaucoup à organiser les différents projets associatifs, comme le Choupisson, par exemple. Festival d'impro qui a lieu dans 10 jours à Metz. Et ça m'aide à garder le contact avec des gens. Nous, je pense qu'on communique un petit peu par ce canal-là. Ouais. Et c'est le seul. Donc je trouve que les réseaux sociaux. Moi, je préfère clairement les interactions live et vivantes avec les gens. Et je vois autour de moi beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont sur les réseaux tout le temps. Et je prends le train souvent entre Nancy et Metz et je vois quasiment que des gens bloqués sur leur Insta à scroller. Et ça me fait un petit peu peur. Voilà, donc tu fais quoi toi dans le train? Il regarde les gens en train de scroller. Je regarde les gens en train de scroller. Tu les filmes pour les de ces gens qui lisent encore. Okay. Tu les filmes pour les mettre sur ton Insta. C'est clair. Tu regardes tous ces gens. Regardez, c'est abusé. Ouais, c'est clair. Tu lis, c'est cool. Non, mais je fais pas. Enfin ouais, la moitié du temps, un tiers du temps je lis, un tiers du temps je dors et un tiers du temps je travaille. Et dans ton activité professionnelle, tu utilises cet outil-là. D'ailleurs, tu peux en parler de ton activité professionnelle. J'utilise pas du tout. Je trouve que c'est. T'en as pas besoin? Non, j'en ai pas besoin. Et puis surtout, je suis pas bon à ça. Je trouve que c'est tout un exercice. Enfin, c'est tout un métier de se promouvoir sur les réseaux sociaux. Et t'as pas besoin de promouvoir ton entreprise? Je la promets différemment. C'est vrai que j'ai une entreprise et je fais des efforts pour être référencé sur Google. D'accord. Tout simplement. Ah, okay. Et je crois que c'est un très bon moyen. T'as un site? Ouais, j'ai un site de mon entreprise qui est bien référencé sur Google. Tu peux le citer, il n'y a pas de... Y a pas de très... Je peux, oui. Mais tu ne veux pas. J'aurais pu. Ok. Ok, très bien, merci. Arrive le moment tant attendu où on excelle, le moment du jeu. Oh, le moment du jeu, c'est vrai? C'est le moment du jeu. Alex, c'est le moment du jeu. Yeah, j'adore jouer. Très bien. Un petit jingle jeu, non? Bah, on peut en refaire un. On peut changer d'harmonie, on peut changer de rythmique buccale, si vous voulez. Ok. Antonin, si tu as une proposition buccale à nous faire. cette phrase est bizarre. Proposition buccale. Tu peux nous aider à buccalement parlant. Et ben, voilà le quotidien des stagiaires non gratifiés. Non, c'est ça. 3, 4. Le jeu. Le game arrive. Le jeu. Le game. Ludification. Amusement. Le game. Ouais, moi je valide celui-là. Ah, tu validais, c'était pour valider ça, d'accord. Okay. Rodolphe, tu peux partir, s'il te plaît. Le jeu commence comme ça, du coup. Ok. C'est assez, assez clivant. Le jeu s'appelle, c'est le jeu de l'association d'idées. Je vais te proposer, et là je n'ai pas préparé, donc je vais meubler. Je vais te proposer 5 mots complètement pris au hasard dans le dictionnaire. Ok. Donc là, tu sors effectivement un dictionnaire de ta poche. C'est admirable. J'ai le mini dictionnaire. Waouh, combien de volumes? 7 volumes? Waouh, c'est 4 incroyable. 4 tonnes. Je vais te proposer donc 5 mots. À la fin de chaque mot, tu me dis le premier mot qui te vient à l'esprit. Ouais, je te promets qu'il ne va jamais trouver. Non, mais okay. Bah, vous voulez marquer des points. Le record est à un mot. Je crois que c'est François. Le record est à un mot. Le record est à un mot. Donc, un mot... ta proposition, un mot ta proposition, et on fait exactement la même chose avec Rodolphe. L'idée, c'est que vous en ayez en commun. Ouais. Ne me sors pas des mots en latin. Il faut essayer de gagner, d'accord. Il faut essayer de gagner. Es-tu prêt? Bien sûr. Est-ce que je ne mettrais pas une petite musique on un l'a peu déjà comme fait ça? Un jingle. Ouais, mais oula, c'est beaucoup trop fort. Voilà. Premier mot. Arbre. Feuille. Ça, c'est bien. Fromage. Comté. Pas mal. Dosage. Pipette. Cercueil. Halloween. Ah, pas bête. Et enfin, état. Iowa. Alors celui-là s'il le trouve. Ah bah si, je le connais. Bah il est pas trop mal en géo, donc peut-être. Est-ce que je peux te demander de juste ouvrir la porte pour qu'il puisse re-rentrer dans ce studio? Nous avons donc eu les 5 mots d'Alex. Rodolphe va faire son entrée dans le studio et nous allons également donc lui proposer ces 5 mots-là. Il y a moyen que tu mettes des points. Mais grave. Je vais pas surestimer ton intelligence. D'ailleurs, je vais te les écrire là, comme ça. Ah, parce que c'est mon intelligence qui va primer ou c'est non, celle d'Alex? Il y a une logique quand même assez très spontanée. Ouais, si je mets pas de points, alors, tu me mets une pression d'enfer. Je crois qu'on est à 1 le record. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Avec François, ouais. Audrey aussi. Ah, Audrey et François. Ils sont vraiment très bons, Audrey. Mais Audrey et François sont très bons dans ce jeu. Mais ils en ont fait en club. Alors, Le club d'association d'idées de Lunéville, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Lunéville Sud. T'es prêt? Arbre. Fruit. Aïe, aïe, aïe. T'as des branches. T'as des feuilles. Ah oui. Fromage. Camembert. Ah là là, c'était pas celui-là. Le deuxième qui te vient à l'esprit? Roquefort. Ah non, c'était compté. On peut continuer toute la journée. Jusqu'à ce qu'il trouve. Mimolette, Gouda, Cheddar. Dosage. Pipette. J'y crois pas. Bah oui. C'est celui qui est improbable. Bah oui, non mais le dernier, il va le trouver aussi, tu vas voir. Bravo. Je n'arrive pas à relire mon mot. Cercueil. Mort. Ah. Cimetière. Halloween. Comme ça, vient de passer, on est un peu dans ce contexte. Ouais. Rodolphe, le dernier, je compte sur toi. Et le dernier, c'est impossible. État. New York. Ah là là, état, le deuxième qui te vient à l'esprit, c'est impossible que t'aies celui d'Alex, mais vas-y quand même. Californie. Non, c'est un qu'on oublie, c'est l'Iowa. Oui, mais enfin, ceci dit, il a dit état, j'ai dit quand même un état des États-Unis, quoi. Enfin, pour moi, état, à un moment fatigué, donné, on devrait presque. On dit on est à 1,5 là. Ouais, Mais en plus, j'allais dire, si t'as celui-là, c'est 2 points. Parce que sortir l'Iowa. Ouais, tu penses à la Californie, à la Floride, mais l'Iowa. Imagine, j'aurais dit Ohio en plus, ça aurait été un enfer. Et New York, New York. Ouais. Bon, Swing State, on peut suivre le record. On est à 1. Voilà, tout le monde fait 1. On n'arrivera jamais à dépasser le jeu. Est-ce qu'on garde ce jeu? Je trouve qu'il est intéressant. Oui, on garde ce jeu, bien sûr. Donc, les improvisateurs sont normalement bons. Mais bon, 1 c'est bien. Bah, très bien. Non, on associe des mots. On sait associer des mots, mais au moins. On sait pas deviner ce que l'autre a dit. Au moins, on sait ce que c'est une pipette. Il y a une logique, on essaie de faire ça. On sait à quoi sert une pipette, nous. Dosage, pipette. Je vais bien jouer. Bravo. Eh bien, merci pour cette émission. Merci Rodolphe, merci Alexandre. Passez une super soirée et continuez d'écouter Fadjet sur 94.2 ou fadjet.net. Merci Bonne Rodolphe. Soirée tout le monde. Salut, merci Alex. Au revoir, merci Antonin. Merci à vous.